comme une pièce manquante. Beats. Bank, bank. Nairo. Hey. Au lieu de s'entraider, on a fait l'inverse. Au lieu de s'arrêter, on a fait l'inverse. Ton regard dans le mien m'attriste. Confonds pas l'homme et l'artiste. Peu de sentiments, c'est pas ma faute. Du ressentiment, dans chacune des notes. Tu l'as senti, non? C'est pris dans mes côtes. Sur mon continent, je suis très loin des autres. Hey, tu rêves de mots doux et t'as besoin d'amour. Heureuse tant que les garçons te font la cour. T'es victime d'un vaudou, tu sèches les cours. Teigneuse, t'as raison, les hommes sont des sourds. Ton visage un reflet, j'ai capté ton âme. J'ai vu plus que la femme dans ma verse et des larmes. Dans le virage, négocie un pied dans les flammes. Les gens t'appellent madame, tu perds 21 grammes. Hey, j'ai vu ton appel cette nuit. Tu voulais que je quitte cette ville, que je quitte cette ville. T'as brûlé ton cœur, tant pis. À trotter contre cœur maudit. Chaque fois c'est pareil, j'en perds le sommeil. Trop de je t'aime qui finissent dans la corbeille. Je vois bien que c'est le bordel vu l'heure où je me réveille. L'amour c'est qu'un thème posé sur le papel. Comme une pièce manquante sur le puzzle dans tes yeux. Je vois bien qu'il mente quand tu dis que ça va mieux. Et moi je suis comme une star montante. Parmi les braves et les envieux, je suis juste un homme qui parfois chante. J'aurais beaucoup de mal à faire mieux. Comme une pièce manquante sur le puzzle dans tes yeux. Je vois bien qu'il ment quand tu dis que ça va mieux. Et moi je suis comme une star montante. Parmi les braves et les envieux, je suis juste un homme qui parfois chante. J'aurais beaucoup de mal à faire mieux. Hey. La tendresse au placard, dans ma tête tout se bagarre. Tu m'as dit je t'aime, j'ai pas répondu. Et c'est ça le problème, parce que vivre de love, non c'est pas le projet. C'est quand j'aurai la gaufre qu'elle va s'accrocher. Ouais les histoires de pauvres ça fait pas rêver. Je veux que le billet soit moche, je veux le carré VIP. Tu dis que je suis ton homme mais ton regard s'évade. Tu regardes le sol, tu ne m'écoutes jamais. Tu mises sur tes formes et gâtis que t'es crade. T'as besoin d'une épaule pour te recadrer. Ne m'appelle pas ce soir, je suis dans le stud. Je suis dans les bails très noirs. Me raconte pas d'histoire, je connais les putes. Tu peux venir passer me voir. T'es belle à l'extérieur, mais j'ai vu l'intérieur, bouffé par la terreur. Tu recèles des horreurs. J'ai peur de te briser, j'ai peur de tout casser. J'ai que le mal pour m'attiser. Je regarde le temps passer. Comme une pièce manquante sur le puzzle dans tes yeux. Je vois bien qu'il mente quand tu dis que ça va mieux. Et moi je suis comme une star montante. Parmi les braves et les envieux, je suis juste un homme qui parfois chante. J'aurais beaucoup de mal à faire mieux. Hey. Comme une pièce manquante sur le puzzle dans tes yeux. Je vois bien qu'il ment quand tu dis que ça va mieux. Et moi je suis comme une star montante. Parmi les braves et les envieux, je suis juste un homme qui parfois chante. J'aurais beaucoup de mal à faire mieux. Hey.